Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Sneezy. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Sneezy, c'est maintenant sur Skyrock. Et il est là, à l'heure, tout va bien. Comment ça va, Sneezy? Ça va très bien, et toi? Pour cette dernière, ça va? Enfin, pour deux fois, c'est la deuxième fois que je suis allé. C'est vrai. Aujourd'hui. Bon, tout va bien? Tout va bien, la dernière de la semaine. On est paré pour une nouvelle soirée, c'est déjà la dernière de la semaine. T'as vu, c'est passé vite. Et 48 heures après l'avoir annoncé, on parlera enfin du film dans lequel tu vas jouer cet été. Exactement. Parce qu'on a fait un gros teasing, c'est en vrai, fait. C'est vrai, on a totalement oublié d'en parler. C'était mercredi, et puis on l'a laissé tomber. Et donc, on a dû ramener encore Cyrine Boulanois aujourd'hui. Ça va bien? Ça va. Dans un instant, on vient sur toi, je te jure. Matt, d'ailleurs, j'ai envie de dire émission spéciale. Émission spéciale Cyrine Boulanois. Qui vient avec sa petite auto libre tous les jours. Ce sera dans un instant, ne bougez pas. On va saluer évidemment tous ceux qui sont avec toi comme d'hab. Il y a Dooms qui est là. Mon bras droit, mon bras gauche. J'ai vu l'équipe aussi avec monsieur Alpha One qui est là. Qui est là depuis le début de la semaine parce qu'il a rien d'autre à faire aussi. Phénomène Business, Hologramme Low. The Ja. Ouais, ah oui, il est là. Arena Jazz, Daryl The Ja, 95. Rue du Bon Son, tout ça. Et bah très bien. Inf, encore, Infinite, From the 06. Donc toute l'équipe est là. Juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé cette semaine, Sneezy. On a fait un espèce de replay de la semaine. Ok, ça devrait être un avec tous les bordel. Lives, tous les délires de la semaine. Okay. Ça écoutez maintenant sur Skyrock. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Je regarde dans ta dentaille, je suis de plus en plus sombre comme un tie and die. Tu fais du rap pour les abrutir, on fait pas le même bail. Vous connaissez mon jeu, j'ai trop péché mon dieu. Pas besoin de protéger mon dos, le seigneur s'occupe de l'arrière-garde. Trop parler peut tuer, je préfère que ma carrière parle. De manière propre, de manière forte ou bien de manière sale. Un visionnaire comme cœur, toujours en billionnaire. Boys Club ne m'appelle app, je me fais sucer par IM dans un Cayenne noir. Toutes tes narines sous la neige. Si c'est autour de Marine, on fout la merde. Bouge la tête, tu mets morceaux et tu peux même travailler tes dorsaux toute la semaine. Chauffe ma main, tu rêves d'être comme nous, t'as de la route à faire. Dis-moi, c'était comment quand t'as embrassé la pute qui te sert de meuf? Elle avait le goût de ma verge. On fait le taf, mes rôles sont toujours foncés le soir. Arrêtez tous de vous pomper le dard. Si ces bâtards te disent que tu es bon, tu t'es trompé de ça. Planet Rap. Je te le dis souvent, ça prend des traces. Paranoïa quand elle a pas mis son anorak, donc je me retire toujours avant de chez Kras. Pas au diable et je vendrai jamais mon amour rap. En premier carton, elle écarte. Sans mentir, j'ai du flair, chant qu'elle est partante. J'étais pas tante, j'étais hard, j'ai testé sa souplesse. Je veux dire qu'elle était pas tante. 95 gang. C'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Pas de plan A, pas de plan B. T'es détendu parce que t'as ton plan C. On a jamais gobé toutes vos pilules. On est des nouveaux, mais des nouveaux qui durent. Super, on est super. On est dans quoi, quoi? Super, on est dans quoi, quoi? Super, ouais. J'arrive, je suis armé comme mon Monténégro. Bon, j'avoue, c'est pas vrai, je suis pas du tout méchant, je suis même pas du ghetto. Non. Ton daron, il a pas de cheveux. Depuis qu'il a 8 biches, on l'appelle monsieur. Il est tellement vieux qu'il a une 4 chevaux. Je connais bien les chevaux car j'ai la même queue. Les gens, c'est comme des ballerines, c'est moche et l'odeur dedans est horrible. Je ramène des meufs au télo, je les ken et je regarde Toy Story. Merde. C'est bien de faire des beaux clips, mais ça vaut pas le coup si c'est pas audible. Y'a rien d'impossible, y'a pas que des tout babs qui peuvent être tout bip. On part en levée, faire des levées. Tu joues à ce jeu, négro, t'as déconné. Nanana, c'est mon levé, mon cerveau a déjà tout encodé. J'préfère être fiche d'esclave plutôt qu'être fiche de maître. Mais pour moi t'existes pas, ouais t'es en fiche de prêtre. Prêtre. T'es en fiche de prêtre, Stevie. Mr. B. Planet Rap. Je vous présente Kamel de Lyon, salut Kamel. Oh, allô. Ça va Kamel? Salut Fred. Ben encore. Ça va? Ça va? Non, allez, on t'écoute. Un premier morceau qui s'appelle 94. Brrrr. Voilà, un deuxième morceau, maintenant je vais vous faire un deuxième morceau. Oh putain, t'es trop chaud. Attends, donc ça c'est le premier morceau, 94, hein. Ouais, attends, je vais te faire 93 là. Ah bah vas-y. Vas-y. En hommage à mon poids. Ah, aïe. 93. Allons, on bosse sur 91 avec mon équipe, on est en studio. Aïe. Ok. Ça va donner un truc comme quoi? 91. Ah, il y a une variante, oui, okay, je crois, sur celui-là. Et vous allez faire un petit bonus 90 ou pas? Non, ça faut payer, frère. Ah. C'est qui? C'est un des mecs du Whoop? Non, c'est pas. Même pas. C'est qui? Kamel, t'as pas reconnu la voix? Allo, non, Kamel? Non, pas Kamel. Non, je sais plus, on l'a plus. Non, mais je crois que c'est Kamel Bentala en fait. Salut! Salut!

L'album s'appelle Super et le morceau La Coupe à l'instant avec Sneezy, notre invité cette semaine. Et ce soir encore jusqu'à 21h. C'est peut-être mon morceau préféré en vrai. Je t'avais dit ISF, mais en fait je crois que c'est celui-là. Ah, il y a des bons morceaux quand même. Hein. Mais celui-là, c'est quand même celui qui me touche le plus. Genre, il me saoule pas. Il doit saouler des gens, je pense. Mais le mien, moi, vraiment, il me saoule. Hop. Et puis, allez voir les images aussi. Hein, images, un clip qu'on a tourné en Islande, justement, avec Siri. Justement, tu vois la transition ou pas? On arrive tranquillement. C'est fou. Hein. C'est fou. Hein. C'était vraiment fort. Qui a été réalisé par qui alors, ce clip? Réalisé par un Algérien qui s'appelle Cyrine Boulenoir, qui habite à Paris, qui a immigré. Et qui a 70. Ses papiers ou pas? Non, il n'a pas ses papiers, donc on travaille pour. Il y a beaucoup de rendez-vous à la mairie, mais ça devrait arriver sûr. Bon, bienvenue, je suis désolé, on a 48 heures de retard par rapport à ce qu'on devait annoncer. Donc, mais c'est bien de garder aussi, puisqu'on est vendredi, on va parler futur avec Sneezy. Le futur, c'est évidemment déjà l'album hein, qui est dans les bacs. Exactement. Peut-être une tournée, t'as envie de faire un truc solo ou... Tout dépend du temps que j'aurai, parce qu'avec un 995, on devrait se remettre très vite au travail. Donc cet été, peut-être quelques showcases et à la rentrée, on verra. Et alors, qu'est-ce qui va se passer cet été au niveau de l'image? Au niveau de l'image cet été, je te laisse parler Cyrine Boulenoir. Alors cet été au niveau de l'image, on va... Prends bien le micro, qu'on entende ta belle voix aussi. Il n'a pas l'habitude, hein, c'est la première fois qu'il fait de la promo là. On fait de la promo avant même que le truc soit sorti. C'est fou. Hein. Donc, cet été, on rentre en préparation pour mon premier long métrage et le premier rôle de Sneezy au cinéma. Alors, voilà. Juste avant, petit récapitulatif, qu'est-ce que tu as fait avant? Beaucoup de clips, parcours avant, entre le passage en bateau jusqu'à la France, enfin voilà. Tout. En gros, je suis arrivé... La totale quoi, hein, j'ai envie de savoir. En gros, je suis arrivé en France et j'ai fait une petite école de cinéma un peu nulle. Et après, très vite, je me suis fait attraper par des boîtes de prod et machin, j'ai fait du clip et de la pub et j'ai rencontré 1995. Alors comment tu les rencontres? Dans un bar, dans une soirée, dans un concert, club, dans un espèce de hangar. Une rencontre assez sombre. On était dans un espèce de hangar à chanter à tue-tête du Rof. Voilà. Ouais. Et là, un mec a toqué à la porte et c'était moi. Easy. Parce que moi, avant, quand j'entendais quelqu'un rapper ou j'entendais la musique, je me disais, il y a peut-être quelque chose à gratter. Il y a peut-être un truc à gratter, ouais. Vois, comme quand j'ai appelé ici alors que j'ai inventé que j'avais une histoire. Où, on était vraiment des gros rats des micros, tu vois. Des gratteurs. Des gros gratteurs mais de micros. Ce qui permet d'avancer aussi. Hein. Exactement, ça m'a fait rencontrer le mec qui fait tous nos clips. Donc, maintenant. Première rencontre que t'as, c'est quoi le souvenir que t'as quand vous croisez pour la première fois? Un souvenir incroyable de quelqu'un qui toque dans l'endroit où on squatte et qui demande dit, si ça rappe. Salut les mecs, vous êtes en train de rapper? On lui dit non, il dit parce que moi je fais du rap. Et voilà. Et après il est rentré. Donc toi tu faisais de l'image déjà, hein, t'avais commencé? Ouais, moi je faisais de l'image déjà. J'étais dans une boîte de prod et je me faisais un peu chier à pitcher sur des projets un peu nuls. Et voilà. Et depuis alors il y a eu quoi? Vous avez fait quoi au niveau image avec Ensuite on a fait on s'est mis sur le clip de La Source avec un 995 et après ça s'est enchaîné hein, tous les clips. Voilà, tous les clips on a fait Flavaï Nahir, enfin tout s'est fait parce qu'on était dans la même logique. Enfin voilà. D'un coup on s'amusait en travaillant donc. Et on a la même vision. Et alors des ce long métrage, c'est une idée que t'as longtemps depuis longtemps ou c'est. Ouais. En gros, ce qui est marrant avec Sneezy, c'est que vraiment, la première fois que je l'ai rencontré, je savais pas qu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait 1995 ou quoi, mais tout de suite je lui ai dit on fera du cinoche ensemble, j'espère. Et voilà, et c'est fou quand même, c'est beau. C'est dingue. Hein. Ouais, je trouve l'histoire belle. Elle est belle. Alors est-ce qu'on peut avoir quand même le pitch de ce film? C'est un film sur En gros, c'est un film sur Paris. Et sur la jeunesse parisienne, c'est un portrait de la jeunesse parisienne que moi je connais, la jeunesse des quartiers populaires. Et je parle du quartier populaire dans son entité, en gros, c'est là d'où on vient, c'est là où on a grandi. Et c'est un endroit où il y a des mélanges incroyables, il y a des bobos, des gens très pauvres, des voyous, des non-voyous, des artistes, tout quoi. Donc Sneezy, a priori, a le premier rôle, non? À moins que ça ait changé depuis. Non, il a le premier rôle. Donc c'est quoi, ça va être quoi son rôle? Parce que c'est Amine, hein, ton prénom dans le film, c'est ça, non? C'est ça, ouais. Donc Amine, c'est qui? Amine, c'est un jeune homme qui vit dans un quartier populaire et qui veut rentrer en école d'art. Voilà. Ah ouais? Qui veut absolument rentrer. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est la plus fraîche du quartier. Et, ça. Et qui a un meilleur pote qui lui veut absolument faire son premier coup avec les anciens du quartier. Ah, exactement. L'ancien. Le nouvel ancien. Donc il y a toute une histoire autour de ça. Exactement. On n'en dit pas plus ou tu veux dévoiler deux, trois choses encore? Ça se passe sur une journée, il se passe plein de trucs, ça part un peu dans tous les sens et voilà. Et casting, alors c'est qui? C'est des gens comme Sneezy qui n'ont pas fait de cinéma ou il y a quelques acteurs confirmés aussi? En gros,

On ramène de nouveaux codes, bande de bâtards, on sera jamais sous vos ordres. Salope, si tu trahis mon équipe, fais quand même une dernière prière au cas où j'ai de la pitié. Je porte un glaive, c'est de la tuerie quand je sors un texte. Je fais de la musique comme un chef et le caillou est de qualité. Je fais pas du son que pour faire de la thune. Tu vas rager mes chèques, tu vas kiffer grave. Rebeu, t'as beau faire le mec de la hure. Sache que dans ton équipe, y'en a pas un qui fait rap. Quand j'suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf. Je prends du cachet, je rentre pas seul. Elle sait pas qui j'suis, elle sait juste que j'suis célèbre. Je prends des rafales de flash dans la gueule. Quand j'suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf. Je prends du cachet, je rentre pas seul. Elle sait pas qui j'suis, elle sait juste que j'suis célèbre. Je prends des rafales de flash dans la gueule. Super sound. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. On s'en tape, on s'en tape. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On s'en tape, on s'en tape. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. La concurrence dans le déni. J'ai l'impression qu'on est béni. On s'en tape, ah, ah, on s'en tape. J'ai dit on s'en tape, ah, ah, on s'en tape. Quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf, hein. Juste pour faire du bénéf. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre, hein. Elle sait juste que je suis célèbre. Et quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf. SNZ, uh-huh. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre. Je prends du cachet, je rentre pas seul, non. Je prends des rafales de flash dans la gueule, hein. SNZ, super simple, Nekfeu, UDNC, 95 Panam South. C'est Sneezy avec ce morceau, on s'en tape. C'est ça. Aux côtés de Nekfeu à l'instant. Nekfeu qui sort son album Feu le 8 juin. Au mois de juin. Déjà numéro 1 des précommandes de partout. Nouveau numéro 1 du rap français, comme ils disent. Voilà. Du rap game. Et Sneezy qui est là aussi en embuscade. Aïe aïe aïe. Bon, on a entendu en tout cas l'avenir, on parlait d'avenir hein, il y a quelques minutes. Ouais. Le cinéma. Ça risque si pour Dieu veut, ouais. Si je suis bon, hein, parce que moi je vais pas m'attarder. Hein. Si je suis mauvais, je vais lâcher l'affaire. Mais si je suis bon, on va peut-être réitérer l'expérience. Qui sait? Qui sait? Qui sait? À suivre en tout cas. Super, c'est l'album, il est dans les bacs depuis lundi. On va revenir, il y aura du live, hein, Sneezy. Bah ouais, parce qu'il y a des rappeurs chauds dans la salle. Et bah ne bougez pas, c'est dans un instant. On vous attend au freestyle aussi par téléphone juste après ça. Planet Rap, l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec Sneezy sur Skyrock. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Sneezy pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Sneezy. Le Planet Rap avec Sneezy cette semaine entre 20h et 21h. Sneezy, dans un instant, freestyle, gros freestyle. Juste avant la question que j'ai envie de te poser, comme on est vendredi et que je te vois plus après. C'est vrai. C'est fini. Après, c'est la dernière fois que tu me vois. C'est fini. Qu'est-ce que tu as envie de dire autour de cet album qu'on n'a pas pu dire cette semaine? Je ne sais pas, saluer des gens, les gens qui ont bossé avec toi. Ouais, je vais saluer tous les gens qui ont travaillé sur cet album, en commençant par Jérémy Châtelain, Lil Mike des Birdie Nam Nam, One Up World, Diesel, les G's, Griff Joy, Hologramlo qui était toujours là même si on n'a pas de son ensemble, Alpha qui a toujours été là avec WAM, Jazz, Flav, Nekfeu, Dooms. Putain, faut que je regarde les gens dans la pièce là. Cyrine, Bragère, Merwan, Momo, Nestlé, Keroué, Alfred Pumpkin, Yoz, tous mes gars. En tout cas, tous ceux qui ont participé à cet album, ils savent. Le Saloon. Amine, Hakim, Rouge Gorge, Baril, Pochtard. Tous ces mecs-là. Belle expérience. J'ai l'impression que je fais des dédicaces à Sky Roulette. Belle expérience en tout cas. C'était prêt à remettre ça? Ouais, bien sûr. J'ai déjà commencé mon deuxième album. Mais non. Si. Mais non. Je te jure. Il s'appellera comment? Ah, ça, j'ai pas encore le blaze. Il y avait super, extra super. Non, ça va pas être une suite. D'accord. On laisse ça à DC's. C'est un menteur. Bon, Sneezy, avant de passer au live, je te présente, c'est Gaëtan de l'Antou 2. Encore? Un autre membre de l'Antou 2. On a eu cette semaine un gars de l'Antou 2, mais je crois que c'est son pote. Si, Gaëtan. Si. Non, mais vraiment, ils ont fait un crew qui s'appelle l'Antou 2. Ouais. Gaëtan. C'est des baisers. Ouais. Tu confirmes, ça va bien, Gaëtan? Bah ouais, ça va. C'est un groupe ou si t'as changé ta voix? C'est vraiment un groupe? Ouais, c'est un délire entre potes. Mais ouais. D'accord, parce que ton pote, il est passé en freestyle aussi, hein? Ouais, la semaine. Et toi, c'est Gaëtan de Grenoble. Bah, on va t'écouter maintenant. On va t'écouter rapper. On va voir si ça mérite en effet ce terme dans tous deux. Allez. Ton pote était bon, hein, je me souviens. Il était fort. Ouais, va falloir que je rehausse le niveau là. Ah, mais bah, c'est parti, mon pote. On t'écoute freestyle par téléphone. Ça fait. Check. Là, en tous deux, ouais. Ça fait. 2-3 me trappe pour la bus raté, les gars se crament, on les fait de gaz, me gagne, la tasse me tasse et je crève de crasse pendant que mes tasses se fâme fan. Les grammes me gagnent quand je rappe le soir, le mal me gagne, je frappe mes passes viscérales, prends ton choc aussi qu'un parc, je veux viser les sales traites, donc je relis mes 4 secs, j'ai des lignes et des lignes, ouais j'en sors des curies de la tête. Le chip bousillé, ceux qu'on voulait viser les yeux, ouais. Le petit fini, c'est dans ce putain de cercle vicieux, l'en tout deux, va pour les vidéos, ça tourne même dans les villages. Je m'en bats les couilles de ce que tu penses, c'est mon vrai visage, je tape dans le mille comme une fille et son dépistage. C'est pas Hello qui tire, c'est c'est que les faits qui parlent. Le but je le ramène et j'attends que tout ça se termine. En Afrique y'a pas de naguère et je frapperai comme c'est pas permis. J'ai plus le temps de fumer mon champ, j'ai plus le temps de faire des folies. Je préfère crever dans ma chambre que d'écouter ces sottises, ouais. Ces fils de pute sont souvent dans une voiture banalisée. Ils peuvent pas nous canaliser, je fume résine de cannabis frère. J'entends leur banalité, l'entoure va tout vous gifler. On arrive blessé, les ondes, le radium sera bien agité. Mais déjà j'entends plus rien dans le radium, je suis en osmose. Mes équipes sont costauds, tu pourras m'appeler Osmo Block. I'm in love with the coke, stop. Touche pas cette merde, je les autres, tous les bobos jouent tous les gros bonhommes. L'entoure de. Ok, Gaëtan, à l'instant bien. Bon, pas mal, hein. Ouais. Bravo à toi, Gaëtan. Non, merci, merci. On peut te retrouver sur le net, vas-y, balance les adresses. Ok, bah, venez checker la page, c'est l'entoure, il l'a déjà dit de toute façon. Vous êtes deux ? Vous savez comment c'est écrit ? Ouais, c'est ça, c'est un coup. Vas-y, après l'album Jeune Entrepreneur de l'Entourage, Jeune Cadre Dynamique de l'entoure 2. Voilà, c'est ça. Donc l'entou deux. Ça fait plaisir et puis c'est cool Fred, c'est cool. Et ben bah, merci à toi en tout cas Gaëtan. Bah merci aussi et puis finissez bien la soirée. Bah je pense que c'est pas mal parti, non ? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je vois DJ Lo au contrôle ? Ouais, il est prêt. On peut attaquer tout le monde est prêt ici. Hein. Est-ce qu'il te reste des 16 ? Il me reste quelques 16 mais il me manque quelques verres encore. Mais tu vas où te calmer. Où sont-ils ? Bon, on te met ça en route. Allez, balance le premier 16, je te mets le premier verre. SNZ. Ok, Sneezy. Ya, super, sound. Super, sound. Ça fait un. J'attire que des belles tympes, cher que des meufs compliquées, mais je suis un mec simple. J'ai appris à me mettre bien, breveux débrouillard, rouillard, je suis un natif du 7-5. Donc ils pourront pas me la mettre dog. Casa Wahrani, même jusqu'à Hamem et dog. Ah, Fonfon et la mif, au fond je fais la diff. Ton fion c'est la cible de l'arbalète dog. X-Men est lunatique, j'écoute Time Bomb. T'as pris des caches, t'on fait 4 pompes et quelques tractions. Négro tu te vexes un peu trop vite quand on taille. Donc t'as perdu tes moyens quand ta meuf t'a dit que ta taille compte. Elle a dit quoi? Elle t'a dit que la taille compte. Merde. Je pense que ton travail n'est pas satisfaisant. Frère. Quand je la baisse solo elle pense qu'on est à 10 dedans. Mais quand elle ouvre ses yeux de catin elle réalise que non. Non. J'ai des nouvelles paires avant qu'elle sorte. D'après tes commentaires ça t'emmerde dog. Poto ment pas. Quand on s'en fout on commente pas. Donc je sais que ça t'emmerde. Dog. On insulte ton équipe et faudrait que ta caisse, ouais. Sale pointeur, on sait que tu mates le corps de ta nièce, ouais. Tu vas gentiment donner le code de la caisse, ouais. On va te rendre la monnaie de ta pièce. SNZ, super sound. SNZ, super sound. SNZ, super sound. Deux mams, SNZ, super sound. Ah, ok, on est un. Écoute ça depuis le départ. Hey. Encore un soir où je tente d'écrire, mais ma page reste blanche, peu d'inspire le ventre vide. Encore un soir où je tente d'écrire, mais hey, c'est une trinaire. Fox, ça chic, ça en vite F. Donc je suis obligé de partir en style free. C'est le dernier jour, le vendredi, la famille. On a kické ça toute la semaine avec le sniss. Tu vois ce que je veux dire, on est Al, c'est les kings de Paname qui se baladent. On a juste quelques rimes. Tu vois ce que je veux dire, mec, tu sais que c'est trop speed. Pas besoin de prendre la S pour kicker, ça m'amène. Yo, c'est ainsi que ça se passe, je coupe des têtes avec mes flows, avec mes mots. Hey, pourquoi tu veux tester mon fucking crew? On est normaux, on gère les gros. Ah, laisse bête les cousses, yo, c'est ça les dealer, c'est comme le maléfique. Hein, comment ça se passe la famille? Mes potes m'appellent que smoke car j'ai le garde d'un Custy. Un mec qui court sans cesse, tel team dans le que Justin. Dealer mec que j'esquive, pas les mecs que j'estime. Grave deux spies, j'grave ce 16 entre deux spliffs. Man, j'reste peace face au dessin de ce monde indécis. Un défi de vivre dans ce monde qui se décline. Depuis tout petit de vivre, j'ai la fureur comme James Dean. J'reste digne, c'est ce que disent des bitches qui n'ont pas les fesses clean. Par les prestiges, n'est pas dans mes habitudes, Paris Sud. Yo, j'crois que j'ai choqué, c'est pas grave, j'commence à prendre le mic en impro. Sur le beat, j'suis synchro, tu connais les bails, j'suis avec le Doom, c'est le Yo, c'est que c'est super, ouais, j'arrive et je suis du père sur la prod et je kick ça. Ouais, je suis ouf, je suis hal comme a dit que ça. Y'a le Dooms qui va reprendre le microphone. Tu connais les bails, man. On va reprendre ça, c'était le maléfique yo. C'était super, non y'a pas de super. Tu vois ce que je veux dire, on a la fuck. Il ne pose pas dans nous, ça nous, il faut qu'il est chouette. Ouais, ouais, négro, on l'a fait. Hein? J'ai dit négro, on l'a fait. Relax-toi. Yeah. Dealer. Rebeu, on l'a fait. Tout est écrit. Ouais. Tout est écrit. Tout est écrit. J'ai dit, tout est écrit. Tout est écrit. SNZ, super sound. Négro, on l'a fait. Négro, on l'a fait. Steve. Tout est écrit, tout tu vas la boucler, je t'ai dit, ils écoutent mon couplet écrit. Mon couplet écrit, ils pensaient que j'avais arrêté, mais j'étais juste en train de compter tous mes yebis. Club sur club, showcase sur showcase, des gros, je me prends des liasses de 10 000 à tout va. Mon enfant, tu bois ta soupe pendant qu'on voit partout l'impression d'être Cyril Hanouna. Des gros, je gère mortel, faire de Timberland, des grosses vestes, North Face. Où je veux, quand je veux, je fais tort que des centaines de grosses fesses. Je suis le chef d'orchestre, je veux me les faire, c'est super sound. Négro, les patrons sont rebeux et fiers, pas de peureux, c'est dead. Je vais faire vivre dans le mal et mourir heureux, c'est clair, tous mes refs ont ses pères. Ils ont tous ses pères. On sert au zénith, nigga we made it. Ouais mon rebeu on l'a fait. Oui. Ouais tes rebeux on la flemme. Oui. Ouais tes rebeux on la flemme. Mes rebeux on la fait. J'ai pas le temps de passer mon permis, pourtant mon parking il fait toute ma rue. SNZ 23 balais, donc à peu près 10 ans de moins que ces trous de balus. Zodja, dealer. Zodja, dealer. GLC, dealer. Pas dealer. Je le fais pour le rêve et la réflexion. Réflexion. C'est chaud car c'est le cauchemar et la régression. La régression. Alors je pars d'esprit et d'élévation. Élévation. D'abord je médite et puis j'écris des révélations. Révélation. Inspiré de faits réels. Sale. Dans ce rap je m'instruis et je fais mes règles. Jazz. Avant qu'ils s'approprient mes idées. C'est décidé, je suis pas dans ces saloperies. Voilà. Personne ne peut le faire comme je vais le faire. Personne. Personne ne veut le faire comme je vais le faire. Personne. Indépendant des pieds à la caisse claire. Jazz. À part mes affaires, j'ai pas d'adversaire. Personne. À mes frais, je construis mon avenir. Ça m'effraie, mais je compte y parvenir. Avec le soutien de mes refrais. Et je me souviendrai de tous les teutrés. Pour que tu comprennes bien ma tristesse. Sache que c'est personnel, c'est pas du business. Business. Super sound. Ne veut pas avoir de pico riche, donc un baisse en lune léger le clitoris. Pour ma sécu, pas besoin de mille gorilles. Je peux faire mille pétasses qui viennent d'Île Maurice. Ouais. J'ai deux sauts à la place des couilles. Amenez-moi à la gare des sceaux. J'aime pas perdre mon temps, je préfère parler d'euros que parler de flow. Défaut, y'en a deux sur trois. Dans le doute, on met le feu sur toi. Je peux te saigner pour me baigner dans l'eau bleue turquoise. Les femmes flics, je leur offre aucune trêve. J'aime quand t'aimes crier comme des gyros de Ford Focus Break. Hocus pocus bang bang, j'propulse vos culs. Gang bang, j'm'occupe vos putes. Je la baise après, on prend une douche à deux. Elle a une bouche à pipe et j'ai une bouche à bœuf. Elle croit que j'l'écoute et que j'la kiffe. Elle a pas compris que j'me fous de sa gueule. Super. Zin, dans ma fondation, Lulu Dash, what's up? Sneezy, super. Dans les bacs, hein. Fall, Gir. Ouh. Ouais. Philly Flank, donne dada. Yes. Donne. Vas-y, donne dada. White Vert, les hauteurs de la sphère. Le véritable rap spare. Ouais. Super, faut aller pécho l'album, bande d'enfoirés, hein. SNZ. Ok, un, Gir. SNZ. White Vert, les hauteurs de la sphère. Le véritable rap spare. Ouais. Mais le Mighty Fat du 95 Gang arrive à le faire. Ouais, il arrive à le faire. Faut pas que mes dentines m'entendent, moi. J'fais pas de musique dans le centre. Regarde les vices qu'on enfante, ma fuck. Peut-on faire du bif tranquillement en France? J'suis un jeune con, j'm'inspire de Sean Carter et Sean Combs. J'suis un jeune con, j'm'inspire de Sean Carter et Sean Combs. J'suis un jeune con, j'm'inspire de Sean Carter et Sean Combs pour fonder un empire. On sait à qui se rattacher. Même si t'es 6 stratagèmes, j'ai 36 stratagèmes. Je te pousse dans le fossé de tombe. Quoi? J'ai bossé donc, je suis devenu le roi des flots comme Poseidon. Motherfucker, viens pas hausser le ton. Non. C'est fait pour patater plein de pif. Les techniques instinctives développées sur 25 piges. Que des putains de speech, faut que j'inspire, je deviens speed. Mes morceaux, c'est comme les morsures de 15 speed. Overdose de smecta, ça va chier dur. Alphlorène 2. Quoi? Alphlorène 2. Ça les bec table nectar. C'est un genre d'hectare de forêt de bœufs. De forêt de bœufs. Ce que tu verras demain, l'eau de la vue hier. Le rap, c'est comme le crack, donc pour le faire bien, faut surtout pas y aller avec le dos de la cuillère. Dos de la cuillère. Eh super, faut aller pécho l'album. Alphlorène 2 arrive très vite. Don Dada. Don Dada. J'ai dit cheer. Plus. Yeah. Ok. Hey, hey. Vumams. MF. Doops. Yeah, yeah, yeah. Vraiment. Vraiment. Wouhou. On est 11 dans la chatte à ta, ça pue le ton à la Catalogne. Pas très fort, on est médaillé dedans. Toi tu coules un bronze à chaque bagarre. Nous fais du bronze à la baraque. Tu peux même nous envoyer tous tes petits en stage. On tire pile en facile en scar. On se repose sur nos lauriers comme des dirandages. On va bâcher toutes ces bitches en place. Cadenasser tous ces pifs. Faire du bif en balle. Pour marcher, on va tous vous marcher comme du free dans White. Ça prie en lâche, on vous a pris en flag. Rendez-les comme Evangeli. Vous rêvez de devenir des immenses stars. Starfola, t'es tu trop vif, même tu tulpes ton vif. Avec de la coque, tu deviens utopie. Ici, ça suce juste pour le kiff du showbiz et ça se bourre le pif. Je te le dis souvent, ça prend des traces. Paranoïa quand elle a pas mis son anorak. Donc je me retire toujours avant de checkra. Je pars pas au diable et je vendrai jamais mon amoral. Hein. Premier carton, elle est gars. Sans mentir, j'ai du flair chant qu'elle est partante. J'étais pas tendre, j'étais hardier. Quand t'es la souplesse, je peux dire qu'elle était partante. Super, super, yo yo yo yo, laisse ça, encore un. Lou ma blague. Un, j'ai même tu sais. Yo yo yo. Hey, vas-y, Doumas, tout fingers, l'entourage. Hey, pédale moi j'ai pas le time. J'suis le meilleur des pivots, ni que les rivaux. J'place des ciseaux dans leur lucarne, Zlatan. Ça zigzag dans les rues de Paname. Vite trap, c'est une pute n'est pas moi. Ça bicrave dans les rues de Paname. Les flics pas. Ah, pas le fou bête, barre-toi. J't'achète des bootlegs par trois. C'est pour mes oulettes, mes poulettes, moi. Non, j'fais des doux rêves parfois. M'en voulez pas, c'est ma génération. On est foulés que ça se voit. On passe du rire aux larmes dans ma ville le soir. Pour un petit regard, des types se braquent. Qu'est-ce qu'on est bourré de malin. Ah ah ah, bourré de malin. Bourré de malin, bourré de malin. Yeah. Bourré de malin. Yeah. On est gros, je suis jamais effrayé, toujours défrayé. T'as rêvé de test, puis tu t'es réveillé. Hein? Tu t'es réveillé, espèce. Je t'ai réveillé, négro. Super, super, super, ça. Effrayé, toujours défrayé. T'as rêvé de test, puis tu t'es réveillé. Je fais sortir l'aigle en moi. Je suis l'ancienne école comme les règles en bois. Tu rêves des styles que ce nègre envoie. Cassette de rap, c'est des criss-cross. Maintenant les équipes sortent. Je les prise comme Chris Paul. Je tape les concepts comme Chris Paul. Je lancerai valise bonne. J'ai le barreau. Je dois libérer à Libéry et 2-3 actrices bonnes. J'arrive comme Steven Seagal. Mais un petit peu de ces gars, je suis le pime de ces gars. Faut que je me réveille à la matrice, boy. J'ai du genre à faire. Je fais mon fromage comme les gens à la ferme. Le chèque à 4 chips si je chante à ta fête. Je suis qu'un homme, j'aime bien me faire sucer le clan. Quoi? Mais y'a rien que j'aime plus que mon blé. Je suis bombé, le flûte est ton temps. Ce putain de rap jeu, on peut juste le plomber. Aide-toi, c'est un M3 qui fait rentrer le toit. On avance sur le fil, c'est dur d'être droit. Comme en Égypte, je suis un nègre. Roi, faut prendre ce que les traites doivent. Super dans les bacs. Dans les bacs, dans les bacs. Dans les bacs, c'est comment? Dans les bacs, comment? Dans les bacs, super, super, super, super, super, super, super, sound. Parfois, le disque dans les bacs, frère. Tu sais que ma bite est dans les chats, toutes les salopes. J'emmerde les allocs. J'en ai rien à foutre, même si tu sais que je suis dans la plage. Smoke de la pure, tu sais que c'est pas dur. J'paye les factures et j'emmerde toutes ces raclures. Ils veulent faire quoi? Dis-moi, ils veulent faire quoi? Plus que des exploits. Et yo cousin, tais-toi. Tais-toi. Moi je fais ça avec mes 10 doigts. Dis-toi. Tu veux te péta? Et yo, t'es qui toi? Qui toi? On te connaît pas, pire, on te reconnaît pas. Connais pas. J'ai la JSI Records. Et si tu connais pas, connais alors t'es en retard. En retard. J'ai que de la haine dans le regard. Et yo, tu sais, je suis tricard. C'est retipard et personne pour me stopper. Ils peuvent se moquer, mais tu sais que je vais les smoker. Je vais les flinguer, le truc est dingue. Et tu sais que je vais les tringler. Je porte pas des vestes cintrées. Pas de vestes cintrées. Je suis tout le temps large. Un mec barge, tu sais, quand je débarque, je crache les flammes. Je rappe et tu cannes, arrête nos jazz dans la place. Tu peux te rappeler du blast. ZZ, quoi de neuf, pas de bluff. J'opère comme au poker et puis je vous nique vos mères. Ça devient vulgaire, ça devient vulgaire. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude d'être vulgaire. Mais là c'est comme ça, franchement je les emmerde tous quand je fais mes trucs, je vais pas le faire doucement. Doucement. JLC Records, bande d'enfoirés. Nouveau millénaire. On va pas le faire tout doucement. Si c'est la famille, tu vois ce que je veux dire. On est un pas de gars fragile. C'était la Reno Jazz pour le boy. S.E.U.P.R. Doom. Yeah, yeah. Kick ça. Ce genre de merde là. Ce genre de merde là. Ce genre de merde là. Ce genre de merde là. Tu veux que je kick ça? Ce genre de merde là. Négro, ouais, je kick ça. Ouais. Vas-y, la famille, écoute vite là. On passe, on était en freestyle avec le Zedja. Je crois qu'il y a le filifal sur le teco là-bas. Prêt à cracher des flammes, on est des dragons solitaires. Comment t'expliquer qu'on va baiser toute ta famille, ta petite mère et la petite preuve, c'est la tente dans la cave. C'est senti que ça se passe quand j'arrive avec mes braves. Mes loups-garous, merde, on est des vampires. Prêt à tout niquer, comment t'expliquer? On va bâtir un empire comme les Égyptiens. Ouais, des nègres rois. Alpha te l'a déjà dit, salope, je te mets plus de 32 doigts dans ton petit cul. C'est ainsi que ça se passe. Vas-y, dealer, Philly Flingue, lâche de face. Qu'est-ce que c'est, Philly Flingue, le type qui se distingue? Ou est-ce que c'est Zodja? J'avance comme El Gato, en français c'est le chat. Y'a pas de problème, c'est pour les gars qui mixent et pour les gars qui feu gras. Y'a pas de problème, c'est Alf comme Cameron, ça cogne. Enfoiré, t'attends mon album. Le truc est dans le turfu, j'balance du pur jus. J'ai des bas qui largissent, ils ont des tutus. Donc laisse les faire des balles rimes. Quand fall rime, ça part en couille. Toi-même, tu sais que c'est comme du catch, bitch. Donc c'est faux, arrête de te fier au faux. Philly Flingue au microphone, tu sais, c'est comme une Maybach Exelero. Toi-même, tu sais, on vient exceller. C'est excellent. Philly Flingue, j'rappe dès que l'aube se lève. M'amène de GLC Records, fais le truc de façon obsolète. Vas-y, balance ça dans la cadence sale. Vas-y, enchaîne ça, Zedja. Hey yo, Darius Zedja. Alias le patron, ouais. Embrasse les tatouages. Quoi de neuf? Dealer. Quand on rime, ça fait gire. Quand on rime, ça fait blar blar. Parce qu'on flingue quand on parle, ça fait blar blar. Parce qu'il parle trop, moi je te rends accro. Je les rends paro et je ne fais pas de cadeaux. Non. Je ne fête pas Noël ni mon anniversaire. Et j'emmerde tous mes adversaires. Et yo, quoi de neuf? Toujours pas de bluff. Je fais des clips, je fais des disques et je sais que tu les kiffes, ouais. Et j'en ferai d'autres sur la tête de mes ancêtres. C'est Darius Zedja, yo, j'ai pas fini. Je fais des CD, je ferai des tas de vinyles. Et yo, je l'ai promis sur ma tête et sur celle de mon chromie. Quoi de neuf, et yo, je suis pas dans les mensonges. J'en ai rien à foutre, et yo, tu sais que quand je ponce des gros joints, j'ai des bêtes d'idées. Tu sais d'où elles proviennent et je suis excité pour les réaliser. Il s'agit que de ça. Tu connais mon blaze, yo, c'est Darius Zedja. 1995 UDNC. Quoi de neuf? Putain, ça fait plaisir, on est en mode cypher. Vous êtes chaud pour un 4x4, venez, on fait ça, les refs. Rien à foutre, on est posé, on vient d'ailleurs. La prod change. Oh mec, je suis d'ailleurs eux. Comment ça se passe? On parlait d'escalade, de succès. Des putes qui veulent sucer. Je suis posé avec mon posi et on escalade. La voix qui rampe pendant que d'autres rampent et sucent des putains. On se passe le truc comme un jeu de raquette. Toi-même, tu sais, en une après-midi, je fume deux plaquettes. C'est comme ça que ça se passe. Philly Flingue veut briller les billets, pas la Yaska. Et yo, j'arrive, tu sais que je fais de la rime. Et je représente la suf de Paris. Je me mélange, tant pis si ça dérange. Je fais le diable, mais je fais aussi l'ange. Je suis hip-hop et seul jusqu'au bout de la mine. Cette dernière te lâche, des rimes te brisent quand elle lance un frise. Cette grise mine, quand la feuille semble blanche, alors je pense des pas de danse et les deux se font la bise. C'est grise mine. C'est le planète rap de Sneeze. Et tu sais que toutes les bitches brisent. J'avoue tout même, je les boycotte. Mais je suis trop hoche. Fall jusqu'à. Jusqu'à Dum Dum, non, jusqu'au Dum Dum. T'inquiète qu'on est à l'avec mes frérots, la bonne com. On a la peu froid, la haute de oui et le TJ. Rien à foutre des phases, vas-y, Jaja. Ah, là je me ris. Tu sais que je vais suivre. Je fais du rap et je sais que je vais survivre, frère, parce que je me tape dur. Arena Jazz dans la place, nique les raclures. J'ai déjà dit et je le redirai. Hors de question de me tirer, c'est Daryl The Jazz et je le fais jusqu'à la mort. Et j'emmerde tous les gus, pas d'accord. Pas d'accord, c'est que des Padawan. On change de prod, moi je voulais les kills comme Balavoine. Fuck ça, comme Tupac, tu vas te faire plomber de balle à Las Vegas. Comment t'expliquer que la méga il passe en deux spies? C'est ainsi que ça se passe pour le SNZ. C'était super, on va baiser toutes ces. Pas besoin de dire as, pas besoin d'être vulgaire. Observe comment gère mes frères, on est des serbes. Comme Balavoine, mais faut pas canner dans l'hélicoptère. Faut qu'on sirote les cocktails et qu'on soit dans le top 10. Hein? Philly Flank sirote son top T. Toi-même, tu sais, être haut en bas, j'aime pas. Mettre au top j'aime, y'a pas de problème. Toi-même tu sais qu'en falchère y'a un harem, old school comme les sagem. C'est que ça gêne, Philippe flingue au microphone. Toi-même tu sais, j'avais des maladies. J'suis sexe ça gêne, j'aime trop ce truc. J't'obstrue, j'envoie les obus. J'aime les grosses thunes, les gros huc. C'est comme ça, comme tout le monde, j'suis matérialiste. Philippe flingue au microphone, tu sais, comme un kyste, j'augmente le truc. J't'emmène sur les pistes, ça glisse. C'est le planète rap de Sneeze. Philippe flingue, le type qui se distingue. Toi-même tu sais, j't'ai dit Steven Seagal. J'suis le Biggie Mince. Yo, le Biggie Mince. Sors le shiznit avec le Philippe Fall, on est des fucking princes. Yo, Fred veut nous péco, mais je crois que les rêves veulent rapper. Donc comment on va gérer ça? Il faut claquer sur l'instru de Lunatic. Oh putain, tu m'as blagué, mais c'est pas grave. La famille sur l'instru de Lunatic, on arrive, on kick ça. Vas-y, lâche-nous, une phrase de Dixa. SNZ, super simple. Attends, deux. Ok, y'a encore du temps, Fred. Le 11 mai depuis. Le 11 mai, ok. Depuis lundi. On va pêcher ça dans les bacs. Dans les fucking bacs. Dans les putains de bacs. Je regarde un tas d'entai, je suis de plus en plus sombre comme un taïndai. Tu fais du rap pour les abrutir, on fait pas le même bail. Vous connaissez mon jeu, j'ai trop péché mon dieu. Pas besoin de protéger mon dos, le seigneur s'occupe de l'arrière-garde. Trop parler peut tuer, je préfère que ma carrière parle. De manière propre, de manière forte ou bien de manière sale. Un visionnaire comme cœur, toujours en billionnaire boys club. Ne m'appelle app, je me fais sucer par IM dans un Cayenne noir. Je donne de la force à mes reilles, on s'en tape d'être blessé. Je fonce dans le tram, tête baissée alors que ça m'effraie. Dis à pas que le cul, faudrait aussi qu'on parle, boy. Plus de plan qu'un mec qui vend 1 million d'albums. Les gros t'as fait le voyou, mais la rue ne veut pas de toi. Majeur n'est pas en l'air mais à l'horizontale. Dog, ça me revient, vous êtes fruités comme des arlequins. J'ai le flow de MJ dans les années 80. Donc parle bien, tu sors la canne à pêche, mais y'a pas d'appât au bout. Apparemment elle reconnaît pas ma pine à part au goût. Pas l'odeur, j'fais du son pour moi et mes gars bas autour. Et ça vaut tout, ils considèrent que mon travail est à la hauteur. Kerouet, yes, c'était la fin du freestyle. Je suis désolé. Trop tard. Carton rouge, carton rouge. Merci à vous tous en tout cas pour cette belle soirée une fois de plus dans Planète Rap. Merci Daryl The Jazz qui était là. Merci évidemment à Alpha One, Doumams, Doumams avec nous, qui a été l'assistant numéro 1 pendant toute cette semaine. Merci aussi à DJ Lo qui a été formidable dans les prods et dans la sélection. Hein. C'est vrai, comme d'hab, tout le faire. Malgré cette coupe, il a tout donné. Malgré la coupe Robert Pires 2004, il a tout donné. Et merci à vous tous. Merci Sneezy pour cette belle semaine. Merci Fred. Bonne chance à cet album. L'album s'appelle Super, ne loupez pas. C'est ça. L'album de Sneezy. Et juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Je m'appelle Max. Skyrock t'offre le Manax Fury Road au ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. Thomas de Briolet, comment ça va Thomas? Ouais, ça va super bien. Bienvenue dans ce long week-end qui se prolonge avec Skyrock, avec Sneezy. Et la dernière roulette dans Planète Rap, elle est avec toi. On fait tourner rapidement, c'est parti? Ouais, vas-y, c'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop Thomas, on y va. Ok. Ah, ça a envie d'aller voir Mad Max qui est sorti hier. Ah ouais, plutôt, à Briolet, ouais, dans toute la France. Et ben voilà. Yes. Non, ça, c'est pas, bon. Non pas pour un ni deux, mais carrément 5 potes avec toi. Des places de ciné pour Mad Max Fury Road. Ah, ils sont contents. Oui, 4 potes, 5 places en tout, donc avec toi. Ah, ouais, c'est génial, merci. Et ben merci à toi Thomas, passe une bonne soirée, bon week-end. Merci à vous tous. Ciao, ciao. Merci Sneezy. Ça dit quoi pour ce week-end? Tu fais quoi, toi? Ce week-end, je serai peut-être dans le sud. Très bien. À Cannes? Ah oui, c'est vrai que t'es dans le cinéma maintenant. On est obligé. Non, je vais aller travailler là-bas. Bien sûr. Bah oui. Mais après, je vais sortir aussi. On va se retrouver au baron. On va pas rester très longtemps. Avec Fred? Non, moi, je ne vais pas dans ces endroits. Oh, petit menteur. Non, bah, on va peut-être mixer avec... En plus, j'ai une nocturne à faire ce soir, donc à partir de minuit, il y aura du son de Sneezy, d'ailleurs, loupez pas. Bilal aussi qui débarquera en première partie de la nocturne. Merci Sneezy, vraiment. Merci, merci, merci. Et bonne chance à l'album Super, on croise les doigts pour cet album. Yes, on arrive très lourd de toute façon avec un 995, Nekfeu, Daryl, The Ja, Funky Flav, Alpha One, Hologram Low, l'entourage, Doom, Super Sound, Escrew, tout ce que tu veux. Merci à vous tous, passez une bonne soirée. La soirée continue avec Discool maintenant. C'est parti. C'est l'heure de la radio libre et on se retrouve tout à l'heure pour la nocturne. Ciao, ciao. Ciao, Fredo. Ciao, Fredo. Et à tout à l'heure. Et la semaine prochaine, Youssoupha, l'album de Youssoupha, ouais, à découvrir dans Planète Rap. Grosse semaine qui démarre dès lundi. Soyez à l'écoute. Et puis, je tourne en rond. En attendant, on tourne en rond. Ouais, allez, on tourne en rond. Voilà, on va faire une farandole. Et on démarre la radio libre avec, oula, Pamela, les annonces de Pamela, oui, avec le clash, un clash collector à retrouver ce soir. Oui. Et plein d'autres choses, on en reparle tout de suite. Restez bien dans le coin, radio libre, c'est parti avec Jul. Et je tourne en rond.